Les étrangers disent avec admiration que la Corée est l'unique paradis dans le monde qui réalise le rêve et l'idéal du peuple. Le président du Forum littéraire du Népal pour l'étude de la politique de Sengun, le gouverneur adjoint de l'administration du territoire maritime de Russie et autres personnalités se sont exprimés comme ce qui suit. La Corée crée la meilleure civilisation au niveau suprême devant le monde entier en défendant sa souveraineté par la puissance de Sengun malgré l'ascension et les menées de suppression des forces hostiles. C'est vraiment étonnant. Il faut visiter la Corée pour savoir la supériorité du socialisme au capitalisme. Le progrès éclatant de la Corée démontre nettement la fausseté de la démagogie des États-Unis et de l'Occident contre la République populaire démocratique de Corée. En Corée, il n'y a pas de riches ni de pauvres. La société est stable et on a la confiance en l'avenir.